أشكركم ما؟ يا إخوان أشكركم يا إخوان. كم طالبا في فصلكم هذا؟ فيه 30 طالبا. ولكنني أرى 25 وعشرين طالبا فقط. فأين الآخرون؟ والآخرون هم غائبون اليوم. أي كتاب تقرؤون؟ نقرأ هذا الكتاب اسمه قصص النبيين. نعم قصص النبيين. لمن هو؟ ولفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. كم صفحة قرأت؟ كم صفحتان؟ قرأنا 53 صفحة. الكتاب فيه 90 صفحة. قرأنا منها 53 صفحة. فبقي 37 صفحة. ما أجمل حقيبتك يا أستاذ، بكم اشتريتها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتريتها بثمانين ريال. أنا اشتريت مثلها بسبعين ريالا. أنا اشتريت حقيبة أصغر منها بستين ريالا. نعم ديمو با كومبري. وهبي تو كومبري ان شاء الله. طيب الدرس d'aujourd'hui بارك الله فيكم سي اوتور دو الجمع المذكر سالم. On a étudié quoi? On a vu un petit peu le jam' taksir, waladun, awlad. Après, on a vu jam' mouannad salem, souvenez-vous. Et c'était le pluriel féminin. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le pluriel masculin. Wa ism dal ala akthar min ithnain. Taïb, akthar min ithnain. Pourquoi on a dit ithnain? Pour sortir du duel. Taïb, c'est-à-dire c'est à partir de trois. Minad dhukur, uqala ou awsaf. Vous avez compris? Ça veut dire le pluriel masculin, ce sera des gens qui raisonnent ou une description. Par exemple, tu dis Jao al-alimoun, Jao al-alimoun, ou Jao al-muhandisoun, Hadi awsaf. Ou par exemple, tu dis Barakallahu fikoum, ou Jao al-muhammadoun, ou Jao al-zaydoun. Ça, c'est le pluriel masculin. Comment on le forme? Barakallahu fikoum. Tu lui rajoutes un nou, un waw ou un noun. C'est pour ça qu'ils disent quoi? Biziadati al waw ou un noun ou al ya ou un noun. Salihan li tajridi. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on peut supprimer quoi? Al waw et noun. Ou le ya ou un noun. C'est-à-dire si tu enlevais c'est le waw et le noun ou le ya ou un noun, tu vas trouver quoi? On avait dit le radical, le mot en lui-même. Vous avez compris? On dit un ingénieur. Muhandisoun. Taïb, je rajoute juste le waw et le noun. Je dis quoi? Muhandisoun. Aïkoum salam. Vous avez compris ça? Taïb, et ça ressemble à quoi? Au diam' mouanet salam. Si on enlevait l'alif wata, on trouvait quoi? Le radical, le mot en lui-même. Vous avez compris ça? Tout le monde a compris? Ça veut dire il faut quoi? Pour faire un diam' mouanet salam, il faut la base du mot. Taïb? Pourquoi je vous dis ça, barakallahu fikoum? Car tu peux trouver certains mots, ils sont sous cette forme-là, comme par exemple, Ja'a Ishrun Taliban. Ishrun, barakallahu fikoum, ils appellent ça Mulhaq. C'est-à-dire, il est rentré dans la famille du Jam' Mudhakkar Salim, mais ça n'en est pas un réellement. Pourquoi? Parce que si tu enlèves le Noun, le Wa et le Noun, qu'est-ce qu'on dit? Ishr. Il n'y a pas de sens. C'est pas le Mufrad de Ishrun. Vous avez compris ça? Hada ma'ana. Ça veut dire, dans la langue arabe, il y a des mots, ils ressemblent à cette famille-là. Aïchiroun, Falathoun, Arbaoun, ça veut dire quoi? La dizaine. Mais bon? Tout le monde a compris ça?

يحب المدرسو الطلاب المجتهدين. لا باسكو المجتهدون إلي منصوب بماذا يا محمد؟ بليا ها. اي pourtant il y a pas de mal ها. المجتهدين ici regarde quand tu dis يحب المدرسو الطلاب المجتهدين يحب tu dis quoi فعل مضارع المدرسو فاعل tout le monde dit الطلاب مفعول به وعلامة النصب ما هي الفتحة المجتهدين إلي كوا صفة مفهوم هذا؟ vous comprenez quel type de d'élève il aime et on a dit quoi الصفة يتبع ماذا المنعو l'adjectif il doit suivre quoi le nom طيب mais le fait que maintenant que l'adjectif c'est quoi c'est un pluriel masculin et on sait que le mansoub ici il est quoi il est avec un yas pour ça qu'on lui met quoi المجتهدين مفهوم هذا ان شاء الله au suivant très bien المسلمين نعم قرات 50 صفحه نعم سالت مهندسين ناسي بيان ما شاء الله Un grand saint. Ta'amil al-mithal, thumma adhif al-kalimat al-atiya ila al-kalimat al-lati bayn al-qawsayn. Taïb. Abna'u al-mudarrisi. Taïb. Abna. Taïb. Ici, regardez, il est mudaf. Al-mudarrisi, il est quoi? Mudafilé. Et on a dit que le mudafilé, il est quoi? Il est majrour. Et comme ici, c'est un ismoufrad, c'est la kasra qui apparaît. Tout le monde a compris? Abna'u al-mudarrisina. Tout le monde y est? Al-mudarrisin, c'est la même chose, il est modafilé. Et le modafilé, on a dit quoi? Il est majrour. C'est pour ça qu'il faut toujours s'exprimer, tu dis majrour. Tu dis pas, par exemple, le modafilé, il prend une kasra. Khata. C'est comme si tu dis, al-mef'ulbi, il prend une fatha. Vous avez compris ça? Al-mef'ulbi, il est quoi? Il est mansoub. Le fait qu'on dit qu'il est mansoub, ça veut dire quoi? Ça permet de faire quoi? De faire entrer la fatha. La quoi? La kasra. Ça fait permet de faire entrer quoi? Le ya. Mais si tu dis que le mefulbi c'est quoi une fatha, tu condamnes quoi? La kasra et le ya. Mais faut mada, c'est-à-dire al-ibara an taqul al-mefulbi mansoub ou al-majrour, par exemple, ou al-jar majrour, tu dis par exemple le mudaf il est majrour, ça fait quoi? Ça fait rentrer ça. Tout le monde a compris, inshallah? Alors tu dis barakallahu fik abnaou al-mudarrisina. Et si c'était deux, on aurait dit quoi? Abnaou mudarrisaini. Mais faut madame, inshallah, si vous voulez l'écrire, écrivez-le comme ça, vous aurez appris les trois choses. Abnaou al-mudarrisi, abnaou al-mudarrisina et abnaou al-mudarrisaini. Les enfants d'un prof, les enfants de deux profs et les enfants des profs. Inshallah, c'est compris ça? Fadal. Les majrour, il est modafilé. C'est-à-dire, c'est même pas, tu dis pas, tu remplaces. C'est-à-dire, il est mansoub, majrour, belia. Voilà. Voilà, tu dis dia'a talibani. Tout le monde dit ra'itu talibaini. Maratu bi talibaini. Mais faut madame, inshallah. Taïb. Vous avez compris là le dars là? Abnaou al-mudarrisi. Abnaou al-mudarrisina. Inshallah, c'est bon? Taïb. On s'est arrêté où? بيوت المهندسين احسن بيوت المهندسين امير المؤمنين احسنت ها كما بلونتودي ماتنو امير المؤمنين ها عمر بن الخطاب امير المؤمنين هكذا ماشي با سيارات جي سوتي جو باسكين البقالين بقالين طيب دكاكن البقالين ماشي با سيارات المدرسين إمام المسلمين نعم إمام المسلمين دين الكافرين نعم طيب تأمل المثال ثم أكمل الجمل الأتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الفراغات طيب